Thank you. Bye.

serait bien que le jour de gloire arrive, parce que les Français sont dans la mer. Thank you.